on en a déjà parlé. Pourquoi veux-tu en parler? On en a déjà parlé. Et pourquoi veux-tu en parler? Et au final rien ne change. Faut-il que je me venge? C'est quand tu te ranges, c'est quand t'arrêtes de mélanger. J'ai l'impression que je te dérange et que me quitter ça démangeait. Mais au final ça m'arrange. T'es devenu un étranger. Je sais pas comment prendre, je trouve pas comment le rendre. Mon cœur n'est plus si tendre. Et le cendrier est plein de cendres. Moi je t'aimais un peu, beaucoup, mais plus du tout. Moi j'avais fait un vœu pour nous, mais plus du tout. Donc ne me dis pas que tu m'aimes. Si tu ne le penses même pas un peu. On a déjà parlé. Pourquoi veux-tu en parler? On en a déjà parlé. Pourquoi veux-tu en parler? Quelques jours que c'est fini, et t'es déjà dans le déni. Fallait réfléchir, j'accepte pas qu'on m'humilie. Je devais t'aimer à l'infini, mais la connerie me définit. Tout ça ne comptait pas et je détestais ta compagnie. J'essaye plus de comprendre, j'espère juste apprendre de mes erreurs d'enfant. Quand je faisais de toi mon monde, moi je t'aimais un peu, beaucoup, mais plus du tout. Moi j'avais fait un vœu pour nous, mais plus du tout. Donc ne me dis pas que